Chapitre 11e, 29 juin. La maison ressemble à une maison de fous. Maman pleure, rit, m'embrasse, embrasse Martha. Martha parle toute seule, embrasse le chien. Je lui demande ma canne, elle m'apporte un plumeau. Et moi je me répète que c'en est fait maintenant que je suis le fiancé officiellement agréé par les parents de Claire. Son fiancé est le plus heureux des hommes. 3 juillet. Fiancés depuis 4 jours, nous serons mariés dans 15. Claire tient la promesse qu'elle m'a faite de mener rondement les choses. Je me demande quelquefois si je n'ai pas rêvé tout ce qui vient de s'accomplir. Si cette félicité surhumaine, que je sens toute proche, à laquelle je touche presque, ne va pas s'évanouir soudain comme un mirage. Et pourtant, quand je m'observe attentivement, je sens qu'une inquiétude sourde se mêle à mon ivresse. Chose étrange, l'approche du grand jour où la femme que j'aime doit être tout à moi m'émeut plus qu'elle. Cette tranquillité de Claire me confond. Et si je connaissais moins ma fiancée, je ne verrais peut-être là qu'un effet de sa parfaite innocence. Mais Claire n'est pas naïve. Si elle ne manifeste aucun trouble, ce n'est donc point faute de savoir qu'il y a dans le mariage un mystère. Il me semble qu'elle serait plus touchante si quelque chose paraissait en elle de la vague appréhension qu'une jeune fille doit éprouver devant ce redoutable inconnu. Je voudrais que son regard supportât le mien avec moins d'assurance, lorsque je sens une flamme dont j'ai honte passer malgré moi dans mes yeux. Je voudrais, lorsque nous sommes seuls et que je l'attire sur mon cœur, je voudrais voir monter à sa joue la charmante rougeur d'une virginité qui s'alarme. Et s'il faut tout dire, j'aurais aussi voulu faire durer plus longtemps la période de nos fiançailles. Il me semble que deux êtres qui s'aiment et qui vont s'unir à jamais ne doivent pas se presser d'arriver au terme de cette exquise préface du mariage. On peut bien se recueillir un peu quand on a devant soi la vie tout entière pour s'appartenir l'un à l'autre. Le bonheur certain que l'on diffère est un bonheur que l'on savourera davantage, et la privation même qu'on s'en impose ne va pas sans douceur secrète. Certes, j'aime Claire de toute mon âme, et pourtant je n'ai point de hâte. L'adoration l'emporte sur le désir. Et j'aurais volontiers accepté pour mon amour, pendant quelques semaines encore, ce doux stage de la pure tendresse comme prélude aux félicités de la passion triomphante. Mais voilà. Si nous attendions jusqu'à la fin de juillet, il n'y aurait plus personne à Paris. Et cette pensée que l'église pourrait bien être à moitié vide le jour des noces de sa fille, que les comptes rendus des journaux dont elle se préoccupe déjà, n'auraient à publier qu'une pauvre petite liste de personnalités marquantes. Quelques noms d'amis, de parents, du fretin, enfin. Cette pensée-là remplit d'horreur, madame le couturier, née de Bellegarde. Et moi qui projetais de nous marier ici, tout simplement, dans la vieille petite église de Draveil, où le bon Dieu, s'il s'occupe de ces détails, serait aussi bien qu'ailleurs, pour voir deux de ces créatures plier le genou devant ses autels, et l'invoquer avant de faire l'œuvre sainte de vie. Claire a raison, je ne suis qu'un grand fou. C'est à la Madeleine que nous nous marierons. Et s'il y avait une église plus décorative que la Madeleine, c'est celle-là que nous aurions choisie. Il y aura de la musique, beaucoup de musique. L'organiste à la mode, celui qui marie ces demoiselles du faubourg Saint-Germain, des chœurs, des solis étonnants. Claire voudrait bien un Talazac, qui lui a beaucoup plu dans l'Acmé, mais Talazac coûte fort cher, quand il opère sur un autre théâtre que le sien. Et ma belle-mère a fait la grimace. Nous cherchons un sou Talazac dans des prix plus doux. Il y aura beaucoup de fleurs. L'hôtel ressemblera tout à fait à un jardin d'hiver, beaucoup de cierges aussi. Et ce sera bien mieux qu'au mariage de Mademoiselle de Bonneville, où le luminaire a paru pauvre. Nous aurons un tapis magnifique, très large, très rouge, jusqu'au bas des marches. Le meilleur Suisse, celui qui a du ventre et qui ressemble à Louis XVIII. Nous voudrions bien avoir aussi, outre Talazac, un évêque pour nous bénir. Le curé de la paroisse la semblerait un peu maigre. Mais c'est le diable de trouver un évêque disponible. Monsieur le couturier, qui ne dédaigne pas la plaisanterie voltairienne à ses moments perdus, prétend qu'ils sont tous à Contrexéville en ce moment. Ma mère a télégraphié à notre cousin, Monseigneur de Saint-Dié, sur qui comptaient ces dames. Nous avons eu une déception et il est malade. Claire m'a boudé 2 heures. Je me suis rappelé que ma tante connaissait un autre monseigneur, de second ordre, il est vrai, ancien missionnaire dans l'Amérique du Sud, l'évêque in partibus d'Araucanie. J'ai offert d'aller le trouver. On m'a comblé de bénédictions. Claire a fait sa paix avec moi. En gage de réconciliation, elle s'est même laissée embrasser in partibus de son cou dans un coin du billard. Et le satin parfumé de ce cou m'a paru plus doux que le duvet de nos cygnes. J'ai pris le train. J'étais plein d'espoir et de résolution, je me disais. S'il le faut, je proposerai à l'évêque d'Araucanie d'adopter un petit patagon pour qu'il consente à nous marier. Hélas, il était parti depuis 8 jours pour la terre de feu. Je suis revenu tout penaud. On m'a mal reçu. J'ai dû suspendre mes études comparatives sur la douceur de certains épidermes et celle du duvet de mes cygnes. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, le soir, avant de partir, « Puisque les évêques nous manquent, même ceux in partibus, qui ne devraient pourtant pas quitter Paris pour ces régions invraisemblables, tant qu'il y a des jeunes filles du monde à marier, eh bien, je propose quelque chose qui ne sera pas banal, qui sera crâne même. C'est de nous faire bénir par un curé de campagne. C'est de prendre l'abbé Papillon. » « Au fait, a dit madame le couturier pensive, cela ne laissera pas d'avoir assez grand air. » Ce n'est pas la façon seule dont elle orthographie son nom. C'est l'âme tout entière de ma belle-mère qui est féodale. Mon projet lui sourit, parce que le bon abbé aurait l'air d'être son chapelain. La question des témoins, question capitale, à ce qu'il paraît, n'est pas encore résolue. J'ai les miens, deux intimes amis de mon père, le vice-amiral de Noirmont, notre cousin, et le général de la Croix-de-Mans, ancien gouverneur du Sénégal. Aux ormes, on hésite encore, on cherche. Je vois que l'on voudrait des témoins qui usent de l'allure, comme le Suisse, un titre, un nom, n'importe quoi, mais quelque chose de ronflant, comme l'évêque d'Araucanie. Monsieur le couturier a proposé son vieux camarade Clérambeau. « Fi donc, a dit madame, voyez-vous ce marchand de boîte à sardines à côté de monsieur le comte de Noirmont et de monsieur le baron de la Croix-de-Mans ?» Le père de Claire a fait observer que son candidat vendait les boîtes à sardines en gros, non, au détail, et qu'il en vendait des centaines de mille chaque année. Il paraît que cela constitue dans le commerce une aristocratie. Mais madame le couturier s'est montrée inflexible. Comme je les voyais en peine, j'ai parlé de monsieur Blum, du guano. « C'est une plaisanterie, j'imagine, » a dit sèchement Claire. J'ai éprouvé une petite satisfaction égoïste et maligne. Il y a donc encore des cas où les millions de M. Clérambeau et ceux de M. Blum, les boîtes à sardines et le guano, passent après les 8 ou 10 000 livres de rente de deux vieux soldats couverts de blessures et de gloire. Merci, mon Dieu, et faites que cela dure. L'abbé, qui assistait à cette seconde délibération, a mis alors en avant le nom d'un comte de Simeuil, qui vient de temps en temps aux ormes. Maman m'a donné de singuliers détails sur ce personnage. C'est un vrai comte, fort ancien, dont le père a été soupçonné autrefois d'avoir empoisonné sa première femme, qui était noble et pauvre, afin d'épouser la seconde, qui était fille d'un entrepreneur de bâtisse et millionnaire. Lui-même a débuté dans la vie en se faisant refuser 7 fois au baccalauréat. Après quoi il est entré au service et s'est élevé jusqu'au grade de maréchal des logis, sans protection. Son temps fini, il a mangé en 10 années ce qui restait de son grand-père maternel, l'entrepreneur de bâtisse. Depuis, il vit d'une façon problématique, de 10 louis qu'on lui prête par-ci par-là, et qu'il rend quand il en a emprunté 20 autres. On dit aussi qu'il honore volontiers de son intimité les familles de la bourgeoisie riche, pour peu que de menus cadeaux lui s'est offert après chaque bal où il a daigné paraître. Superbe prestance d'ailleurs, l'œil à fleur de tête, le nez bourbonien, ce qui l'aide à accréditer un bruit dont il est très fier, à savoir que son arrière-grand-mère a été distinguée par Louis XV. Ligne politique parfaitement nette, légitimiste, intransigeant. Tel est le comte de Simeuil, et c'est pourquoi une place d'honneur lui est réservée dans les dîners du Faubourg. Ces dîners où un écrivain qui n'a que du talent, un artiste simplement illustre, sont relégués au bas bout de la table. J'ai quelques raisons de croire que M. de Simeuil rehaussera de sa présence l'éclat de notre mariage. Mais ce qui sera plus beau que tout, c'est la robe de Claire. Nous avons tenu conseil sur le choix du couturier et décidé de prendre M. Léonard, qui met fièrement sur ses cartes, élève de Worth. Un débutant, mais un ambitieux, un oseur, qui nous composera une robe comme on n'en a jamais vue, comme on n'en verra jamais. Une robe qui fera mourir de jalousie nos meilleurs amis. Une robe, ah, qu'il a d'élégance et de grâce, qu'il est souple et charmant le corps qui sera dans cette robe.